Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gémozo pour l'émission La Parole est à vous, qui va être consacrée aujourd'hui à un magazine santé avec Jean Tisserand, bien sûr. Bonjour Michel. Plaisir de retrouver. Bonjour pour tous les auditeurs. Alors, magazine santé, le sujet a été choisi un petit peu par rapport au dire d'une journaliste qui nous disait à l'association ADEMAT H, il faudrait peut-être expliquer aux personnes, au public, comment fonctionne un hôpital public, justement, pour qu'ils comprennent bien quand même les enjeux aujourd'hui de cette défense de l'hôpital d'Ormiremont en particulier. Pas seulement, parce que je crois que la coordination nationale des hôpitaux et maternités déplore bien sûr le manque d'effectifs, les coupes sombres dans les budgets, etc. Mais ça, on en a déjà parlé longuement. On va s'attacher aujourd'hui à parler beaucoup plus de l'hôpital, comment ça fonctionne, et en particulier, bien sûr, l'hôpital de Remiremont. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on parle d'un hôpital, et donc c'est difficile d'appréhender pour le public, parce que d'un côté, il y a les soignants, bien sûr, il y a du personnel administratif, il y a des cadres. Alors, cet ensemble-là, ça représente quoi? Ça représente, pour l'hôpital d'Ormiremont, un gros établissement où il y a 1000 personnes qui travaillent, 800 équivalents temps plein. Effectivement, deux gros pôles, un pôle de soins et un pôle administratif. Et puis un pôle de soutien, de logistique, comme laboratoire, radiologie, pharmacie, commande de produits, etc. Il y a tout un... C'est une petite... c'est une entreprise complète, en fait. Une entreprise médicale. Médicale, oui. Tout est voué... Finalement, aux soins médicaux, il y a des cuisines, une restauration, il y a une lingerie, il y a de la stérilisation, il y a tout un côté caché aussi qui ne se voit pas, mais qui est très très très très important. Le côté soins, les soins sont organisés en pôles. Il y a un pôle à Remiremont, par exemple, de médecine. On parle de pôle, pas de service. Alors, les pôles regroupent des services. Ah bon, d'accord. Un pôle de médecine, un pôle de chirurgie, puis un pôle de soutien technique. Voilà. Et le pôle de médecine, c'est les services de médecine, de diabétologie, de cardiologie, de gériatrie, de gastro-entérologie, enfin tout ce qui concerne ce qui n'est pas chirurgical. Le pôle de chirurgie regroupe les services de chirurgie, la maternité et la pédiatrie néonatologique qui est attachée à la maternité. Voilà, c'est une sorte de logique. Ce sont des services qui étaient initialement le cœur de l'hôpital. Quoi, voilà, chaque service a un but précis. La maternité, c'est celui que je connais le mieux, est lui-même subdivisé en un service de gynécologie, un service d'obstétrique pour les accouchements, et puis il y a un service de consultation, c'est important. Oui, on entre à l'hôpital de plusieurs manières différentes. On y entre... Et la néonate, ça fait partie de la maternité? Non, ou ça fait c'est associé. Ça fait partie de la pédiatrie, qui est un service associé à la maternité. D'accord. Un service différent, voilà. Mais qui a toute son importance, puisqu'il y a à peu près 150 hospitalisations de nouveau-nés par an à Remiremont. Quand on parle d'hospitalisation de nouveau-né, ça veut dire aussi les couveuses Voilà, ça dépend de l'âge de l'enfant. Si c'est un petit prématuré, très petit, il va être gardé en couveuse, perfusé. On peut l'aider à respirer avec des respirateurs. On peut le nourrir avec des sondes. Enfin, pour des enfants qui ne sont pas, qui sont prématurés, qui ne sont pas terminés complètement compte tenu du terme de l'âge de l'accouchement. Quoi. Et ça peut se prolonger jusqu'à quel âge, finalement? La pédiatrie? Oui. La pédiatrie, c'est un service qui va jusqu'à 16 ans, je crois. D'accord. Il y a des grands enfants, il y a des grands, je crois. C'est 16 ans l'âge limite. Il y a toutes les pathologies en pédiatrie. Il y a les pathologies, même y compris... C'est-à-dire qu'un jeune, par exemple, un ado, va va pas forcément être hospitalisé en médecine, il va être hospitalisé en pédiatrie. En dessous de 16 ans, c'est forcément en pédiatrie. Forcément. Forcément, oui, oui, oui. Mais en pédiatrie, il bénéficiera quand même de l'avis de médecins, par exemple, possible, de services de médecine, de soins de radiologie, de laboratoire, etc. Quoi. Donc, l'hôpital, enfin, les services ne sont pas fermés complètement. Les services fonctionnent en interdépendance. On a ce qu'on appelle des consultations inter-services où, un exemple, une jeune fille de 14-15 ans hospitalisée pour des troubles hormonaux peut être envoyée en consultation en maternité où on donnera un avis sur gynécologique sur ses problèmes hormonaux, par exemple. Hein, elle est appelée dans le service, elle descend avec son dossier, on prend connaissance du dossier, on l'interroge, on l'examine, on fait éventuellement une échographie, et puis on répondra au pédiatre un avis circonstancié sur son état. Hein, ça sera versé à son dossier, et ça servira à soigner cette personne. Parce qu'on se demande toujours, c'est vrai, comment ça fonctionne, comment c'est divisé entre les différents pôles, les différents services. Et puis, donc le patient peut entrer au service soit adressé par son médecin traitant. Son médecin traitant juge qu'il a un problème médical. Il faut automatiquement... C'est une des possibilités, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il fait une lettre, il passe un coup de fil, il adresse le ou la patiente dans le service concerné et le patient est admis. Le patient peut entrer également par le service d'urgence. Un patient présente un problème de santé aigu, mal étiqueté, il va venir aux urgences où il va être bilanté, on lui fera des prises de sang, on lui fera des radios, etc. On fera différents examens. Et puis, pour établir un premier diagnostic, et selon ce diagnostic, si son état nécessite une hospitalisation, c'est assez grave, il sera orienté vers le service adéquat. C'est une entrée directe par les urgences. Hein, ça, c'est une deuxième manière d'entrer. Enfin, il n'y a pas une troisième ? Si, il y a une troisième possibilité. C'est la possibilité d'entrer par des consultations externes du service. En gynécologie obstétrique, il y a 22 000 consultations et échographies par an. C'est beaucoup. Hein. Et parmi ces consultations, il est dépisté un certain nombre de soucis. On peut dépister un cancer du sein, des fibromes, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, les patients seront hospitalisés, soit d'emblée tout de suite si la pathologie est grave, soit une hospitalisation différée de quelques jours, de quelques semaines, si ce n'est pas urgent. Et il y a des services qui assument directement leurs propres urgences. C'est-à-dire qu'avec des services de garde de nuit, c'est la pédiatrie et la maternité, par exemple. Oui. On peut entrer, c'est d'ailleurs en maternité, en gynécologie obstétrique, c'est tellement particulier que ce serait extrêmement délicat d'imposer un examen gynécologique par des non-gynécologues aux urgences, qui les urgences étant très, très pointues, mais c'est quand même un domaine très spécial, et puis il y a ça dépend un petit peu de l'intimité de la personne. On leur imposerait un examen qui serait refait dans le service de gynéco. Donc c'est directement. C'est directement. Alors, côté maternité, c'est urgences à maternité. C'est trop particulier, oui. Et en gynécologie obstétrique, les urgences sont souvent vues par les internes de garde qui sont en permanence dans le service, tout le temps. Et il y a des urgences pour lesquels ils sont aptes à répondre et qui font eux-mêmes le traitement, hein, une mycose gynécologique, une petite infection banale, on fait des prélèvements, on vérifie tout ce qu'il en est, et puis on peut donner des traitements adéquats. Et puis il y a des urgences plus graves pour lesquelles l'interne en réfère au médecin de garde. Il y a un médecin de garde tous les jours. Et ce médecin de garde ne reste pas, je dirais, inactif. Il fait des consultations, il fait des actes chirurgicaux, même pendant sa garde. Et l'interne réfère au médecin de garde, qui lui dit, bah oui, écoute, je te conseille de faire ça, ou je vais la voir, je vais faire une écho, ou qui complète l'examen, voilà. Hein. Je voudrais revenir un petit peu à la médecine polyvalente, hein, parce que c'est le nom qu'on donne. Médecine polyvalente, médecine générale. Médecine générale. Ces services-là. Parce que, on a l'impression quand même que certains services disparaissent, tout doucement. Alors, est-ce que c'est faute de médecins? Est-ce que c'est une volonté de l'établissement? C'est pas faute de médecins, je crois. Parce que nous citait le cas sur des problèmes bien précis de gastro-entérologie, comme ça qu'on le dit, je crois, où la personne est obligée d'attendre 3 mois et demi pour avoir une consultation. Oui, alors ça, c'est... Je précise, c'est pas spécial à l'hôpital de Remiremont. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de difficultés d'accès à l'hôpital public qu'avant. Alors ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise orientation au départ. C'est-à-dire que pour des troubles graves, un médecin traitant, médecin généraliste du patient, doit prendre son téléphone, appeler personnellement le médecin responsable et lui demander écoute, j'ai un... Ah, parce que la personne avait du sang dans les selles, donc ça pouvait quand même... J'ai un patient qui a du sang dans les selles, ça me paraît grave et important, est-ce que tu pourrais voir cette patiente étant occupée assez rapidement quand même, hein? Là, je pense qu'il y a eu un manque mauvaise coordination. Moi, en gynécologie, je n'ai jamais refusé à un médecin traitant qui me téléphonait de prendre en charge sa patiente le jour même ou le lendemain. En disant, c'est embêtant ce que tu me racontes, je pense qu'il ne faut pas laisser cette personne comme ça. Écoute, je la verrai en fin de consultation ce soir, à 18h. Voilà. Quel est le lien entre les médecins généralistes, les médecins qu'ils ont en cabinet, et puis l'hôpital public? Parce qu'on a l'impression quelquefois que, si la coordination n'est pas, forcément assurée, parce que peut-être que le médecin hospitalier est trop occupé pour, oui. Une communication avec son collègue. Le médecin généraliste aussi, sont aussi des gens très occupés. Les médecins hospitaliers sont des gens très occupés, donc c'est pas toujours évident de se téléphoner. Mais ce qu'il faut, c'est laisser un message à la secrétaire, et la secrétaire dit, il faut vous rappeler le docteur Intel parce qu'il voudrait vous parler. Deuxième chose, devant des symptômes graves... Ça veut dire aussi que, de toute façon, il y a un secrétariat médical qui est attaché à un service. À chaque service. Et ce secrétariat a un rôle très important. Par exemple, une patiente qui présentait des troubles gynécologiques importants, qui n'a pas de rendez-vous possible parce que les délais sont importants, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est le succès un petit peu du système et de l'hôpital, pouvait parler à la secrétaire qui en référait au médecin de garde ou au médecin que la patiente souhaitait voir. Et la secrétaire nous laissait tous les jours des petits messages. J'ai telle patiente qui présente tel signe. Est-ce que vous pouvez la voir en urgence? Et bien entendu, c'était vu dans la semaine. Il n'y a aucun problème. On gardait des créneaux pour ces semi-urgences ou ces choses importantes. Le secrétariat médical a quand même un rôle très important. Une bonne secrétaire... vous assaille de petits papiers en vous disant il faut rappeler telle dame, elle présente tel trouble, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc il y a aussi un travail hors consultation pour, je dirais, serrer un petit peu... Et c'est facile d'accéder au secrétariat médical dans un établissement public? Je crois, oui. Il y a quand même... Il y a un standard. Il y a un standard, oui. Mais je crois que les secrétariats en maternité sont d'accès direct. On ne passe pas par le standard, d'accord. Sont d'accès direct. Je crois qu'il y a un ou plusieurs... On a l'impression quand même que la maternité, c'est un état dans l'état, en quelque sorte. Un petit peu, ça a toujours été, parce qu'on a toujours dit, il y a l'hôpital et la maternité. Bon, la maternité fait partie de l'hôpital, mais c'est vrai, c'est un secteur un petit peu particulier. Est-ce qu'il arrive quelquefois que la maternité soit externalisée par rapport à l'hôpital? Non, pas vraiment. Ça n'existe pas en France, quelquefois, une maternité? La maternité régionale à Nancy, par exemple, maternité Pinard. Ah oui, c'est déjà l'usine à bébé. Oui, est complètement séparée du CHU, mais il est possible qu'elle soit regroupée, qu'elle monte à Brabois. Il en est fortement question. Ça a toujours été un petit peu un état dans l'état, cette maternité. D'ailleurs, géographiquement, même à Remiremont, elle est un petit peu excentrée, un petit peu... Oui, il y a des passages, hein. Il y a des passages, mais pas beaucoup de portes. Hein. Peu de passages. C'est une activité particulière, quand même, la maternité. Oui, parce qu'on a quand même vu disparaître des services à l'hôpital de Remiremont, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Hein, il n'y a plus d'ophtalmo. Oui. Il n'y a plus de... Qu'est-ce qu'il y a encore, dermato? L'ophtalmo est une... Bon, la dermato est une spécialité où il y a très peu d'hôpitaux, de services de dermato. Il y en avait un Remiremont avant. Oui. Pas un service. C'était pas un service, c'était justement des consultations externes. Des consultations externes, oui. Il y a peu de services de dermato. Il y en avait un à Nancy, à l'hôpital Fournier, je crois, mais je crois que... Je ne sais pas s'il existe toujours, mais... Pareil pour l'ophtalmologie. Pour la stomatologie. L'ophtalmologie. Alors l'ophtalmologie, c'est quelque chose qui souffre beaucoup du manque de spécialistes. Ça, sur le plan autant en libéral, en ville, en cabinet de ville, qu'à l'hôpital et qu'en clinique. C'est vraiment une spécialité devenue extrêmement rare. Les délais d'attente peuvent atteindre une année quelquefois. Je crois que c'est un problème. Dans les Vosges. Il faut préciser dans les Vosges. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a eu un numerus clausus en médecine dans les années 90 qui ne fabriquait plus que, entre guillemets, que 3500 médecins par an, qui ne suppléait pas au départ à la retraite. Et aux 3500 par an. Aussi bien généraliste que spécialiste. Toutes spécialités confondues. Donc on ne renouvelait pas les départs à la retraite, les arrêts d'activité, les décès. C'était largement insuffisant. Et l'ophtalmologie a beaucoup souffert de ça. Oui. C'était très sévère. Oui. Alors, pour y pallier, hors hôpital, c'est vrai qu'il y a des transferts de tâches. Hein, les opticiens peuvent vous faire des lunettes, etc. Quoi. C'est un petit peu... Il y a une délégation de tâches. Mais c'est un pis-aller, hein, c'est pour répondre, c'est un pis-aller. Et puis, l'accès à certains services hospitaliers devient difficile aussi, parce qu'on ferme des lits en France, on ferme beaucoup de lits. J'ai plus le chiffre en tête exact, mais c'est énorme. Parce qu'on veut réduire les dépenses publiques... Oui. De santé. D'ailleurs, on a vu quand même, par exemple, en maternité, de ce que je peux me souvenir, hein, en tant que public, j'allais dire, des séjours en maternité passés d'une semaine à... À 3,4 jours actuellement. À 3,4 jours actuellement. Pour une accouchée. Oui. Voire même 2 jours. Oui. C'est la moyenne, 3,5. Hein, y compris des pathologies graves ou des accouchements où les gens... on a quelquefois des patientes qui souhaitent rentrer le jour même. Je dirais que c'est peut-être pas forcément idéal, parce que se retrouve à la maison avec un nouveau-né, s'il y a d'autres enfants à la maison, la charge de la femme, je pense que charge de s'occuper d'une maison, d'autres enfants, un bonhomme qui travaille, c'est pas évident. Et je pense que c'est un droit aussi qu'ont les femmes de se poser 5 minutes après avoir accouché. Moi, c'est mon sentiment. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout du bout de ce qui est possible. Mais si les patientes le souhaitent et le demandent, et que médicalement il n'y a pas de contre-indication, on laisse faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est par mesure d'économie essentiellement que les séjours ont été raccourcis de cette manière-là. Au départ. Mais on a adapté aussi nos techniques, y compris par exemple pour des césariennes, des techniques qui permettent de mettre les gens, de réalimenter très précocement les gens, de leur donner à manger très vite, de l'élever très vite et de les rendre autonomes très rapidement. Et des techniques opératoires d'essayer d'être non traumatiques pour le péritoine, pour l'utérus, c'est une chirurgie soft, on fait le même acte, mais... Quitte à prolonger des soins en cabinet. Oui. Les gens ont besoin de moins d'antalgiques et se remettent beaucoup plus vite. Autrefois, par exemple, on disait, historiquement, dans les années 50, l'accouchée devait rester couchée 10 jours. 10 jours, c'était énorme, c'était quand même... Interdiction de se lever pendant 10 jours. Sauf dans le monde rural, parce que les femmes en général reprenaient vite. Sauf les accouchements à domicile. Sauf les accouchements à domicile. Mais en maternité, vous restiez 10 jours couché avant de vous lever. Et ce qui est, c'était une mode, c'était comme ça. Et c'était basé sur on ne sait pas sur quoi, avec beaucoup de phlébites et d'embolies pulmonaires, quelquefois mortelles même d'ailleurs. C'est les traitements modernes, qui ont permis de mieux maîtriser les traitements, les techniques modernes. Mais c'est vrai que on y est incité pour le bien-être des patientes, parce que moi, si une patiente se lève tout de suite après une césarienne, va bien, mange, gambade et court partout, elle a du lait parce qu'elle peut se réalimenter et boire, elle peut nourrir son nourrisson sans problème, son nouveau-né sans problème. C'est tout bénéfice pour elle et pour son enfant. Hein, à propos justement de césarienne, j'avais relevé dans un magazine santé de Que Choisir que Choisir Santé qu'il y avait quand même un peu d'exagération sur les césariennes. On a multiplié peut-être un peu artificiellement le oui, nombre. Oui, il faut le reconnaître. Et je dois même c'est dire... pour sécuriser le médecin ou c'est pour sécuriser la patiente? Je pense les deux. Mais c'est vrai que devant des ennuis, un accouchement qui se passe mal, la solution était quelquefois assez expéditive de faire une césarienne. Mais je crois qu'à Remiremont, depuis 2 ans, il y a un plan de réduction du nombre de césariennes. On a fait des staffs, on a fait des réunions, on a fait des formations ensemble pour analyser toutes les césariennes et voir lesquelles on aurait pu éviter. Et on a diminué les césariennes au point d'en arriver à peu près à 15% de césariennes, la moyenne nationale étant de 20%. Donc on était même au-dessus de 20% à une époque, à Remiremont. Et en 2 ans, on a baissé drastiquement. Et tous les dossiers de césariennes programmés, organisés, mais est-ce qu'il y a pas des, présentés... qu'il y a des raisons physiologiques qui font que il y a plus de prématurité qu'avant, il y a plus de difficultés pour les accouchements? La prématurité reste à peu près constante, entre 6 et 7% en France. Et ici, à Remiremont, c'est pareil. C'est que c'est un chiffre... Le fait que les femmes travaillent, le fait que les femmes font des activités quand même assez soutenues, puis surtout de l'automobile... Ça place beaucoup aujourd'hui, ne serait-ce que pour aller travailler. Est-ce que ça joue véritablement? Alors, les transports, le travail debout peuvent jouer, oui, c'est sûr. Mais autrefois, on avait quand même aussi pas mal de prématurité par des femmes qui avaient des travaux lourds, physiquement. Je pense qu'il y a moins de travaux lourds peut-être pour les femmes, je l'espère. Et je crois que l'un dans l'autre, il y a des métiers comme les femmes qui sont tout le temps en voiture, qui sont dans des taxis, des ambulances, celles qui sont coiffeuses tout le temps debout, où elles font... Les vibrations du véhicule. Oui, on fait un peu plus de prématurés. C'est un chiffre qui est... On a du mal de descendre cette prématurité. Ouais. C'est une tendance aussi un petit peu, je dirais, de l'évolution humaine. Finalement, l'enfant de l'homme, le bébé, est un enfant qui n'est pas terminé. Même quand il naît à terme, il est un petit peu prématuré quand on compare aux autres mammifères. Le petit veau qui se met sur ses pattes. Le petit cheval, le poulain se met et tête tout de suite et marche et gambade aux côtés de sa mère. Alors que le petit de l'homme est un enfant qui est extrêmement précaire, extrêmement non fini sur tous les plans. Hein. Et c'est amusant, mais ça a été historiquement, on pense que c'est lié au fort développement du cerveau, fort développement du crâne. S'il naissait plus tard avec un... il n'y aurait plus d'accouchement possible parce que la tête ne passerait plus. Parce que l'homme a un cerveau proportionnellement gros et une boîte crânienne très grosse par rapport au bassin. Voilà. Où il aurait fallu augmenter la taille du bassin, mais on a préféré... L'évolution humaine, l'évolution, c'est un problème au sens darwinien du terme, a fait que l'accouchement s'est fait plus tôt. Voilà. Le petit de l'homme est le seul animal, le seul mammifère qui naît aussi peu fini, aussi prématuré, nécessitant autant de soins pendant de très longues années finalement. C'était une petite digression. Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même moins d'accouchements qu'autrefois, oui, forcément. Oui. Et puis on est à 1,8 en France. Oui, à peu près à 8, 1,9. On est moins de 2, on est passé en dessous de 2. Moins de 2, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le renouvellement des générations. Pas tout à fait. Je crois à 1,8, 1,9, je crois, oui. Mais, je crois que c'était avec l'Irlande, les deux pays qui avaient la natalité la plus forte. Et actuellement, on est passé franchement en dessous. Mais on a encore... un des 2 ou 3 pays les plus prolifiques, je dirais, en matière de natalité. Il reste en gros 800 000 naissances par an. Hein. Dans les Vosges, on perd, je crois, 3-4% par an de naissances. La population vieillit globalement. Oui. Il y a une population qui vieillit. La population vieillit, ça dépend aussi beaucoup, on en avait déjà parlé, de la situation économique générale, de la conjoncture et de la possibilité de trouver un travail pour de jeunes couples en âge de procréer. Moi, je vois, j'ai beaucoup de voisins qui ont quitté le département simplement pour trouver du boulot, quoi. C'était des jeunes. Des jeunes couples. Bien sûr. Bon, on va peut-être accorder une pause musicale avant de reparler du fonctionnement de l'hôpital et particulièrement celle de Remiremont. J'ai vu le phare du Cotentin dans une cour de récréation, sur un cours d'eau qu'est parisien, une âme môme d'un puissant fond. Je l'ai vu marquer l'histoire d'encre de maître sur la toile, de mots à main, de mots à voile. J'ai vu la lumière d'un phare. J'ai vu s'amuser l'artiste, ses vagues. L'eau douce à mesure, ce salaire. J'ai vu le phare toucher le rare de doigts de peintre entre les lignes qui venaient dévêtir les rimes pour venir les croquer un peu plus tard. J'ai vu le phare, j'ai vu le phare portant parole de Manchot sur la banquise à l'huile noire, à marée lâche, à ses pinceaux. J'ai vu s'amuser l'artiste, ses vagues me caressaient dans la cale d'une péniche. L'eau douce à ce salaire. Je l'ai vu dans le jardin des poètes ce dimanche. Goya n'était vraiment pas loin à croire qu'il lui tenait la manche. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec Jean, Jean Tisserand, donc, et pour ce magazine santé, hein, qui est animé par Jean essentiellement, parce que je suis en quelque sorte le naïf qui pose des questions, parce que c'est vrai que le système hospitalier, même si, bon, par la force des choses, on finit par le connaître, on est loin de tout connaître, puis surtout sur le fonctionnement précis d'un hôpital public comme celui de Remiremont. Alors on va peut-être parler de l'activité. Ah oui, on va parler un peu de la cardiologie, puisque c'est oui. Quand même le gros sujet oui. sur Remiremont. Hein, là, on envoie maintenant les patients à Épinal. Oui. C'est quand même, malheureux, quoi, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Ouais, comme... Les patients reçoivent des courriers et des appels téléphoniques pour leur dire que leurs consultations n'auront plus lieu à Remiremont, mais qu'il faut aller à Épinal. Voilà, les rendez-vous sont différés pour aller à Épinal. Alors qu'il était quand même prévu le maintien de l'e cardiologie à Remiremont. Oui, surtout que c'était un service qui fonctionnait bien. Il y avait en 2016 900 hospitalisations par an. Il se posait une centaine de stimulateurs, de pacemakers, pour les troubles du rythme cardiaque. Hein. C'était Il y en avait 85 stimulateurs. Il y avait une augmentation de 150%. C'est vraiment une spécialité. C'est vraiment, la cardiologie, c'est une spécialité, c'est vrai. Oui. Mais pour la chirurgie, ça peut être... Il n'y a pas de chirurgie cardiaque armée. Ah oui, d'accord. Ça n'existe même pas en Épinal, ça existe uniquement à Nancy. Et encore, Nancy ne fait pas tout, il transfère pas mal de cardiopathies congénitales qui sont opérées sur Paris. C'est quand même un secteur extrêmement pointu et très restreint, très spécialisé, qui est du ressort du CHU, même à mon avis, de pas tous les CHU, parce que c'est une pathologie, ce sont des pathologies très lourdes, il faut des circulations extracorporelles, c'est-à-dire quand on opère un cœur, il faut une machine particulière qui est une circulation extracorporelle, un cœur externe qui continue d'assurer l'irrigation des organes et surtout du cerveau de la personne pendant qu'on arrête le cœur. On ne peut pas opérer un cœur qui continue de battre, hein, c'est la logique. Et après on le remet en route, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd et d'extrêmement pointu. Et en plus, certaines chirurgies comme ça se font même sur des corps en hypothermie pour préserver un petit peu le cerveau qui supporte mieux le manque d'oxygène s'il est à basse température. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans nos régions proches, c'est sûr. Mais par contre, le service de cardiologie pour les troubles du rythme cardiaque, les syncopes, pour les infarctus, ça se faisait à Miremont. Il y a eu, je crois, en 2016, il y avait 67 infarctus qui avaient été pris en charge à Remiremont. Bon, tout ne se fait pas à Remiremont. Hein, les coronarographies pour vérifier l'état des artères du cœur. Il n'y a pas les instruments nécessaires. C'était pas fait. C'est quand même assez spécialisé. C'était fait soit au CHU à Nancy, soit à la clinique d'essai. Qui avait des spécialistes qui faisaient ça. Et c'était logique également de poser ce qu'on appelle des stents, c'est-à-dire des petits ressorts pour dilater les artères coronaires du cœur, dans ces services où on fait les coronarographies. Donc c'est une manière de traiter les infarctus, de traiter les insuffisances de vascularisation coronaire. J'ai une spécialité très pointue. C'était extrêmement pointu, extrêmement spécialisé sur des sites très... Il n'y a rien à dire. Mais le reste se faisait... Après, le patient revenait à Remiremont, il était suivi à Remiremont. Il n'y a pas que ces actes, je dirais, en phase aiguë dans l'infarctus. Quoi. C'était quand même... Mais l'administration hospitalière a fait un mauvais coup au service de cardiologie puisqu'ils se sont fâchés, ils se sont séparés, je ne sais pas exactement ce qu'il en était des cardiologues d'Épinal. Et en forçant ensuite la cardiologue en chef de Remiremont, en lui demandant d'aller sur Épinal pour remplacer... ce dont il s'était un petit peu débarrassé sur place là-bas, laissant à Remiremont un vide complet. Hein. C'est ce qui s'est passé, quoi, en gros. Non, le cardiologue d'Épinal est parti ailleurs Je ne sais pas. Mais je crois qu'il était marginalisé et on a dit qu'il n'y a plus de cardiologue, il faut absolument que celui de Remiremont vienne pour s'occuper du service de soins intensifs en cardiologie. Là, à Épinal. On est quand même dans un cas d'espèce, où on déshabille un établissement pour. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, voilà. Ou inversement, quoi, oui. Et ce qui fait un peu au détriment des deux établissements, parce que finalement, oui. Est-ce que véritablement cette praticienne. Est-ce que le service d'Épinal est à même d'accueillir tous les patients? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des patients qui seront de plus en plus dirigés vers le CHU ou d'autres établissements? C'était une Madame Petit Didier Jean, je crois. C'était une cardiologue très très bien formée, qui travaillait très bien. C'est extrêmement dommage pour Remiremont. Je pense qu'elle ait quitté ce centre hospitalier de Remiremont, parce que l'activité cardiologique, il y avait notamment beaucoup progressé. Je crois d'une année à l'autre, il y a eu 150% d'augmentation des poses des pacemakers pour les troubles du rythme cardiaque. Il y a une question que je voudrais poser, parce que qui m'interroge. Savoir exactement, quand on parle de service, de pôle et de service comme ça, est-ce qu'il y avait vraiment une séparation matérielle à l'intérieur de l'hôpital? Oui, les services ont chacun un territoire géographique, un demi-étage, un territoire géographique. Le pôle est plutôt une... Qu'est-ce que deviennent les lits de cardiologie? Ils sont vides, ils ne peuvent pas servir à autre chose? Ils se transforment en lit de médecine Oui, ça risque de se terminer en lit de médecine ou même en lit de soins de suite. C'est l'avenir qui est un petit peu promis. C'est-à-dire que l'hôpital de Remiremont risque de devenir un hôpital de deuxième zone où on y met des gens, je dirais, en convalescence. Voilà. C'est extrêmement dommageable. Un peu comme Gérard, mais actuellement. Voilà, c'est extrêmement dommageable. Voilà. C'est pour la population locale, parce que il s'y est fait du bon travail. Et je crois qu'il y a eu de bons succès. Mais c'est quand même un établissement important. On n'est pas là vers un établissement qui périclitait, bien au contraire. Ah, bien au contraire, puisque l'activité globalement de Remiremont est de 40% supérieure à l'hôpital d'Épinal. Mais c'est une volonté un petit peu de nos pouvoirs publics, en raison d'économies purement budgétaires, de fermer des hôpitaux, peut-être de ne garder qu'un hôpital par département, et de faire des soins de suite dans les autres hôpitaux. C'est la tendance du moment, quoi. Et c'est préjudiciable, je dirais, à la population locale, parce que la population, déjà celle qui vient à Remiremont, est quand même très éloignée. On vient de 30-40 km du nord de la Haute-Saône. Les familles, les proches. Transplanter le malade loin de son domicile, c'est aussi un stress qui n'est pas négligeable, je dirais, pour son état de santé, quoi. C'est pas bien. Mais la volonté est de fermer des services actifs, de fermer des lits, parce qu'en pensant qu'en fermant des lits, on va supprimer le personnel qui va avec. Et en supprimant du personnel, on réduit les dépenses de santé, on réduit les dépenses publiques. Il n'y a plus que ça comme politique actuellement, d'envisager la réduction des dépenses publiques. Et le côté humain, voilà. n'est plus très pris en considération. Ça n'est pas même un avis personnel, c'est une constatation. Oui, c'est une constatation générale. Et je pense qu'il faut faire attention. Le monde hospitalier, mais pas seulement, le public aussi. Tous ceux qui s'intéressent à l'hôpital public aujourd'hui commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je voyais, ces jours-ci, il y a eu un compte-rendu de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement, c'est-à-dire des médecins un petit peu chefs de chaque établissement en France. Et il y a 82% des hôpitaux qui sont en déficit et seulement 4% des hôpitaux qui sont excédentaires. Et on utilise ce déficit qui est en gros la règle, puisque 82% sont déficitaires. De toute façon, pour les obliger, ça ne change rien, puisque l'hôpital a toujours l'hôpital public, qui est quand même le pivot du système de soins en France, qui était réputé dans le monde entier. Ça mange à peu près 50% du budget de l'assurance maladie. C'est exactement ça. Et ça ne changera pas de ce côté-là. Alors, si ça change, ça veut dire qu'à un moment donné, la population est moins bien soignée, qu'on revient bien des années en arrière. Qu'on confie les soins plutôt au secteur privé, secteur libéral, clinique ou autre. Je voulais aborder ce sujet. Est-ce que justement, c'est pas au détriment du service public aujourd'hui que toutes ces économies budgétaires se font pour diriger les gens vers le privé? Ça reviendra plus cher. Globalement, ça revient aussi cher. À mon avis, ça va revenir plus cher parce que non seulement il y a les mêmes équipes de soins dans les cliniques, dans le privé, mais en plus, ils doivent rémunérer des actionnaires. Bien sûr. Donc, je ne vois pas où est l'économie, mais c'est des économies pour l'État Le système de soins américain est le plus cher du monde. Oui, et de loin. De très loin, parce que justement, il est entièrement privé. Oui. Et aux États-Unis, quand vous avez une pathologie grave, un cancer, vous vendez votre maison pour avoir les soins. C'est quelque chose d'assez courant. Si vous voulez bénéficier du système Medicaid. On est rapidement. On est rapidement dans des chiffres pour traitement d'un cancer de l'ordre de 40 000 ou 50 000 euros. C'est courant. Alors, en France, nous avions un système hospitalier solidaire qui permettait à chacun, s'il était assuré social, et puis comme c'est financé par l'assurance maladie. Par l'assurance, qui est une assurance, c'est-à-dire que c'est une prise en charge collective de la pathologie de chacun, et chacun y contribue par. Avec un accès aux soins égalitaire, mais qui devient de moins en moins égalitaire aujourd'hui, puisque l'accès est difficile, parce que l'accès devient difficile et que les services disparaissent et qu'on ferme des lits d'hôpitaux, Et ça pose d'énormes problèmes aux urgentistes, ces fermetures de lits, parce que les urgentistes ont des pathologies qui entrent chez eux et dont ils ne savent pas quoi faire. Ils passent énormément de temps non plus à faire des soins, mais à trouver des services ou des lits qui correspondent aux besoins du patient. Et c'est un travail administratif qui n'est pas le leur. Le leur, c'est de faire, c'est de débrouiller des problèmes médicaux, de faire des diagnostics pour bien orienter le patient, et ça devrait être une formalité. Mais là, il n'y a plus de lit, Et quand c'est plein, c'est plein. Alors on cherche des services dans d'autres hôpitaux. Parce que quand la notion de lit est tributaire du personnel. Exactement. Hein, du personnel, hein, parce qu'on se dit, bah oui, si on supprime des lits en cardiologie, ils peuvent servir à autre chose, mais non, ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'y aura pas le personnel en face pour accueillir le patient. Parce que quand on a fermé le service de cardiologie, c'était bien pour supprimer une partie du personnel du service de cardiologie, hein, c'était pas... Bien sûr. C'était pas pour le conserver, pour faire autre chose. C'est une logique financière... une dégradation de l'hôpital public. Que je trouve extrêmement discutable, et je pense que c'est une dégradation, oui. Et c'est le cri d'alerte de ces présidents de commission médicale d'établissement, des chefs de service, comme le professeur... Ah oui, parlons voir des structures internes, des structures consultatives, en somme. C'est des structures consultatives. Oui. Ah non, c'est des structures officielles quand même. Oui, dans chaque hôpital, il y a un directoire qui est un petit groupe de médecins, d'administratifs, d'une dizaine de personnes qui gèrent un petit peu la politique. Il y a un conseil de surveillance qui est ça correspond à l'ancien conseil d'administration. Qui comprend dont le président est le maire de la localité. Hein, politiques, il y a des usagers, il y a des médecins, il y a des administratifs, il y a des représentants des infirmiers, etc. Il y a un comité technique d'établissement le personnel, avec les syndicats, le personnel, les différentes corporations. Et puis il y a la commission médicale d'établissement qui est l'ensemble des médecins. Enfin, qui sont représentés, toutes n'y sont pas, mais bon, je dirais qu'il y a un quart ou un tiers des médecins. C'est une commission consultative. Consultatif. Oui. Il y a très peu de pouvoir, mais c'est une chambre d'enregistrement, c'est une chambre où on informe les médecins. Concertation quand même. Oui, aussi. On peut leur demander leur avis, mais entre médecins. Mais on n'en tient pas toujours compte. Dans l'idée générale qu'on peut en avoir, les médecins dirigent l'hôpital, mais c'est pas du tout le cas. On a l'impression que ces dernières années, en particulier, enfin depuis 10-12 ans, qu'on a une dérive quand même administrative de l'hôpital, qui était peut-être nécessaire au départ, mais qui est de plus en plus prégnante, Il était décidé à un moment de dire qu'il y avait un seul chef à l'hôpital, c'était le directeur, et que c'est lui qui devait tout décider. Alors qu'avant, il y avait une dualité médecin-directeur. Il y a un fort déséquilibre pour l'administration hospitalière, qui elle-même est sous la houlette de l'Agence régionale de santé, qui décide un petit peu de qui fait quoi, et où, et comment. Et puis les cadres vont être recrutés, non pas par rapport à leur profil. Médical, hein, enfin, de connaissances par rapport à l'hôpital public, mais ils peuvent recruter aussi bien des cadres de bon niveau qui sortent de Polytechnique ou autre. Oui, mais ça, c'est dans l'administration hospitalière, la haute administration hospitalière. La haute administration, à l'échelon local. Dans les CHU. À l'échelon local, les directeurs sont passés par ce qu'on appelle l'école de santé publique de Rennes. Ah oui. Hein, qui est une école de directeurs d'hôpitaux. C'est encore le cas actuellement. Oui, encore le cas actuellement. La plupart sortent de ces écoles-là. D'autres font carrière progressivement dans des petits hôpitaux, dans des hospices ou des EHPAD ou des hôpitaux locaux, et puis montent les échelons et finissent par arriver dans des hôpitaux généraux. Voilà. Et ils sont en général, je pense, formés sur le tas. Voilà. Mais ils ont de plus en plus de pouvoir dans l'hôpital. Mais c'est un pouvoir en trompe-l'œil parce que je pense qu'ils sont là pour appliquer les directives d'une agence régionale de santé qui décide de tout. Hein. Et puis bulle financière, quoi. Oui, bien. Oui. Voilà. On va s'accorder encore une pause musicale et puis on va peut-être conclure parler des urgences quand même. Urgences, hein, c'est quand même très important du système des urgences. Je pense qu'il faut qu'on l'explique. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the morning. I said shake, baby shake. I said shake it, baby shake it. I said shake, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Shake it one time for me. In a hurry, has to come over, baby. Oh, a lot of shaking going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. On est en train de parler de chiffres en aparté, voilà, on reprend l'antenne. On va peut-être parler des urgences et puis de l'activité globale de l'hôpital. On va peut-être aborder tout de suite l'activité globale de l'hôpital, hein, puisque tu as les chiffres. Oui, l'hôpital de Remiremont, les chiffres de fin 2016 étaient de 374 lits actifs. Et c'était par an 18 500 hospitalisations et 118 000 journées d'hospitalisation. C'est quand même considérable. Et puis, pour citer encore... Alors, finalement, c'est, à part peut-être Saint-Dié, c'est le plus gros établissement du département, premièrement. C'est un des plus gros hôpitaux publics. Je crois que l'hôpital public d'Épinal est peut-être un petit peu plus gros, mais on compte Golbet avec. Voilà. Ah ben oui, parce qu'il y a Golbet avec, oui, bien sûr. Alors là, c'est beaucoup de la réadaptation de choses comme ça, oui. Des soins de suite. Oui, voilà, hein, exactement. Mais c'est un gros hôpital actif de médecine, chirurgie, obstétrique, on dit MCO, c'est-à-dire il faut qu'il le reste, on peut y faire de la chirurgie, on peut y faire de la diabétologie, on peut y faire des accouchements, il doit rester un centre hospitalier général et pas devenir un centre L'instrument hospitalier. Est là, voilà. Les locaux sont là, services... Je le rappelle, un bloc chirurgical ultra moderne aux dernières normes, avec 7 salles d'opération... Et les gens qui viennent y travailler, qui font des remplacements d'anesthésie, sont stupéfaits des conditions de travail de ce bloc opératoire. C'est une merveille. Ça fait combien de temps qu'il a installé ce... Oh, ça doit faire 4-5 ans. C'est tout neuf. Les dernières normes, c'est magnifique. Moi, j'y ai travaillé et c'est un vrai plaisir de travailler dans des salles extrêmement lumineuses, la stérilité extrêmement surveillée avec des systèmes d'aspiration de l'air. C'est comme dans un laboratoire si vous travaillez sous haute stérile, en gros. Hein, la qualité de l'air était contrôlée. D'ailleurs on a vu depuis que... Bon, il y a la qualité des chirurgiens, bien sûr. Oui. Mais oui. On a vu aussi quand même la réputation de l'hôpital de Remiremont grandir suite à l'installation de ce bloc opératoire. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que ce soit surfait, c'est certainement justifié. Justifié, quoi. Et puis il y a des chirurgiens qui y travaillent et qui sont réputés et qui travaillent très bien. Hein. Je crois qu'il y a 1880 interventions de chirurgie orthopédique. Par exemple, la gynéco, il y avait 400 interventions gynéco, en digestif, 1110 interventions de chirurgie digestive. Enfin, il y a une grosse activité, hein, c'est important. Et puis, un pôle de consultation externe qui, globalement, dans l'hôpital, fait 70 000 consultations externes et actes externes. C'est considérable. Donc l'hôpital est quelquefois victime un peu de son succès parce que ça crée des problèmes d'organisation, d'engorgement, de délai d'attente, de gestion des urgences par rapport à la gestion de l'activité programmée. Il peut y avoir des difficultés, hein, faut le reconnaître, comme c'est une grosse entreprise, entre guillemets. Grosse structure. Vous pouvez, par exemple, être programmé pour une intervention chirurgicale organisée, une hernie ou quelque chose qui n'est pas urgent, mais tel jour, et puis on peut vous appeler pour vous dire, bah, écoutez, non, on ne pourra pas vous opérer ce jour-là parce qu'il y a eu des urgences et qu'il y a eu, par exemple... Il y a cette salle d'opération, mais... Cette salle, mais ça ne veut pas dire qu'il y a cette chirurgie en permanence. Non, mais sur les différentes spécialités, il y a quand même, il faut quand même prendre sa place, attendre qu'une salle soit libre. Hein. Il y a l'ORL, la maxillofaciale, la chirurgie digestive, la chirurgie orthopédique, l'urologie, la chirurgie gynéco. Là, je viens de 6 spécialités. Opératoire, j'en oublie sûrement quelques-unes, mais... D'où cet embouteillage. Il y a des créneaux réservés à chaque spécialité, et on doit estimer le temps d'intervention et respecter ces temps. Hein, s'il y a des urgences... On peut estimer un temps d'intervention. Oui, en gros. Sauf complications. Et il y a des jours où vous aviez une intervention programmée le matin, et puis on vous appelle à 9h du soir en vous disant, bah, docteur... Ça fait la pression d'une usine, finalement. Oui, c'est... Il y a des temps de nettoyage, de stérilisation qui sont indispensables. Tout est programmé, organisé. C'est une énorme organisation. Minuté. Et en fonction des urgences, il y a les urgences. Alors ça doit être d'autant plus important quand c'est la chirurgie ambulatoire, alors. Oui, tout à fait. Oui. La chirurgie ambulatoire devrait passer tôt le matin pour pouvoir sortir la fin d'après-midi. Des fois, c'est difficile parce que dans la nuit, il y a eu des grosses urgences, des polytraumatisés qui doivent passer en premier. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas forcément des urgences, mais quand on vous trouve un cancer du sein ou quelque chose comme ça, et ben, il y a des chartes de bonne qualité qui disent qu'il faut prendre en charge ce cancer dans les 15 jours qui suivent ce diagnostic. On ne peut pas le programmer à la suite des interventions programmées qui, des fois, dans certaines spécialités, comme l'orthopédie, il y a 2 mois d'attente. C'est pas renvoyé aux consultations externes. Non. Un cancer qui vient des consultations externes ou qui a été envoyé par un médecin traitant, le diagnostic est fait en externe. Et puis ensuite, l'intervention doit se faire à peu près dans les 15 jours qui suivent. On ne laisse pas des gens avec des cancers qui peuvent évoluer, d'une part. Le temps est un facteur péjoratif. Puis d'autre part, psychologiquement, rester avec quelque chose de pas bon, de péjoratif, comme un cancer, c'est, pour le malade, c'est désastreux. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge rapide. Et ces prises en charge rapides viennent bousculer le train-train des interventions non urgentes programmées. Donc on peut vous dire, ben écoutez, c'est plus telle date. Et on comprend tout à fait le désarroi de certains patients qui se sont organisés pour les enfants, pour la famille, pour le travail, pour plein de choses autour. Ah oui. On leur dit, bah, écoutez, non, revenez plus tard. C'est tout ça, l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on prend en charge aussi tout ce qui est urgence. On prend la nuit, ben, on va parler des urgences. La nuit, Les urgences. Alors, la critique vis-à-vis de l'hôpital public, c'est que les urgences, ben, les services privés, c'est rare qu'ils organisent des urgences. Il n'y a pas d'urgence dans les secteurs. Quasiment pas. Donc, tout retombe sur le public. Mm-hmm. Et malheureusement, les délais d'attente souvent s'allongent. On a parlé de 14 heures à Épinal, on a parlé des fois quelquefois d'un des cas extrême de 12 heures à Remiremont, Mais certains vont répondre, bah oui, mais il y a des gens qui arrivent aux urgences qui ne répondent pas d'un service d'urgence, mais qui sont là quand même, qu'il faut s'occuper. Alors qu'en est-il exactement? Quel est le rôle des médecins traitants là-dedans? Parce que Medigard pose problème, oui, hein, par exemple. Bah oui, je sais. Pour de la parenté, j'ai expérimenté Medigard. Ouais, c'était quand même difficile. Hein. Oui. C'est difficile. Alors, bon, en dernier cours, ben, le patient, ben, il arrive aux urgences. Hein, surtout une personne âgée, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a. La gestion des urgences est difficile en France actuellement. Il y a Il y a effectivement le... Est-ce qu'on a supprimé des lits? Est-ce qu'on a vraiment... Au lit, il y a... Est-ce que les urgences, justement, c'est une priorité ou pas en France? Je pense que c'est une priorité, oui, parce que c'est encore le dernier endroit où il reste un peu de lumière la nuit, où on peut arriver dans la détresse avec une pathologie, avec une blessure. Vous êtes en France, on est toujours... On risque d'attendre quand même dans un coin de couloir. On risque d'attendre, mais parce que... Il y a eu un premier diagnostic, c'est-à-dire que quand vous arrivez aux urgences, même si on ne semble pas vous s'occuper de vous et de vous prendre en charge, on commence déjà par savoir ce que vous avez et on va gérer les urgences en fonction de leur gravité. Moi, je sais que j'y suis allé une fois, un soir, je m'étais, comme tout retraité, je bricole, je m'étais coupé la main, j'avais 4 points de suture à mettre, ça saignait très fort. J'ai attendu 3 à 4 heures, mais j'ai vu passer un polytraumatisé qui était arrivé après moi, qui est passé devant moi, mais c'est tout à fait normal. J'ai vu quelqu'un qui avait un infarctus qui n'était pas bien non plus, qui est passé. Enfin bon, j'aurais pas dû... Peut-être pas dû tout savoir tout ça, mais j'ai vu des SAMU arriver et tout le monde est passé devant moi, mais c'était tout à fait normal et en fin de course. Ah oui, alors le SAMU, le SMUR. On pourrait définir un petit peu les rôles des uns des autres, très rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Bah, le SAMU, c'est le centre 15, quand il y a une grosse urgence. Voilà, le 15, on téléphone au centre 15. Centre 15, qui va, avec un médecin régulateur, qui va décider ce qu'on fait du patient en question. S'il faut l'évacuer. S'il faut l'évacuer, le garder, les moyens utilisés, ambulance, taxi, ou hélicoptère, etc. Et le SMUR, c'est plutôt des services, c'est plutôt des transferts secondaires d'hôpitaux à hôpitaux, ou de choses comme ça. Enfin, c'est moins... Le SAMU peut faire appel au SMUR aussi, mais les équipes sont limitées. Et Parce que le SMUR, c'est imputé quand même des urgences à domicile. C'est plutôt le service local, Romary-Montain, une antenne du SMUR de Remiremont. Le SAMU, c'est plus départemental. Et je sais qu'à Remiremont, Mais tout est centralisé au niveau du SAMU. Du SAMU, du centre 15. Mais à Remiremont, il y a 18 000. Alors, il y avait un passage. Dossier dans Que choisir santé, mais Que choisir également, Union fédérale des consommateurs, qui disait quand même qu'il y a des endroits en France, et puis même dans les Vosges, où le temps de réaction est quand même relativement long. Les distances sont longues, et puis... Il y a les distances, bien sûr. J'ai vu le cas au Bordeaux d'Alsace. Oui, les distances sont longues. Une heure et demie d'attente pour avoir... Et puis peut-être que les équipes mobiles, pompiers, quoi. Les équipes mobiles d'urgence sont peut-être en nombre insuffisant. Il y aurait peut-être besoin d'avantage quand une équipe de SAMU ou de SMUR est déjà occupée quelque part. Il y a déjà des premiers soins qui sont faits dans la camionnette. Oui, bien sûr. Mais si elle est occupée, par exemple, sur Gérardmer, etc., puis qu'il y a une urgence au Tillot, il faut trouver d'autres équipes, il faut trouver d'autres... C'est pas évident du tout, je crois que... Mais et à ton avis, aujourd'hui, est-ce que vraiment les urgences sont à la hauteur des ambitions du public, quoi? Je crois que oui, parce que le service d'urgence n'est pas une fin en soi. Le service d'urgence doit faire les premiers soins, les premiers diagnostics et confier le malade ensuite à un chirurgien ou un médecin plus spécialisé. Qu'il y ait des lits disponibles. À condition qu'il y ait des lits disponibles. Un infarctus arrive, il faut le confier au cardiologue. Un polytraumatisé, on le confie au chirurgien orthopédique. Et un tiers ne sont pas gardés en hospitalisation. Parce que c'est l'urgence ressentie par les patients. Voilà. Renvoi à domicile. Voilà, je te remercie, Jean. Je pense qu'on a réussi, on n'a pas été au bout, mais l'heure tourne et il est temps de se quitter. Voilà, on vous donne rendez-vous à une prochaine émission, puis le magazine Santé le mois prochain. Donc, une nouvelle émission, La Parole est à vous. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je me demande.